le groupe Fred House Down sur RGM. Il est un peu plus de 8h36 et on est toujours dans la matinale et on parle anniversaire. Ils sont nés un 27 septembre 1946, naissance de François Dunoyer, acteur français vu à la télé dans Le Retour d'Arsène Lupin, dans le rôle d'Arsène Lupin, Julie Lescaut dans le rôle de Pierre Verdon, Louis La Brocante ou encore Les Hommes de l'Ombre. 1960, naissance de Jean-Marc Barre, acteur français connu pour son rôle de Jacques Mayol dans le film Le Grand Bleu, vu également dans L'Échappée Belle, Nymphomaniaque, ou encore à la télé dans Deux Flics sur les Docks dans le rôle de Faraday. 1963, naissance de Cécilia Ornus, actrice française qui interprète le rôle de Blanche Marcy depuis 2004 dans la série Plus belle la vie, vu également dans Joséphine Ange Gardien ou encore Nina. 1970, naissance de Tamara Taylor, actrice canadienne vue à la télévision dans la série La vie à 5, Dawson, FBI portée disparue, Les experts Miami, Lost, NCIS Enquête spéciale, et connue pour son rôle du docteur Camille Sorayan dans la série télé Bones. 1972, naissance de Gwyneth Paltrow, actrice américaine qui a interprété Wendy Jeune dans Hook ou la revanche du capitaine Crochet, vue également dans Seven, Shakespeare in Love dans le rôle de Viola de l'Espèce, qui est récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice, vue également dans le talentueux Mr. Ripley, et connue également pour son rôle de... de Pepper Potts dans Iron Man 1, 2 et 3, Avengers, Spider-Man Homecoming, Avengers Infinity War, et elle reprendra ce rôle encore une fois dans Avengers 4, sortie prévue pour l'année prochaine, vue également dans le film Contagion dans le rôle de Beth Emhoff, ou encore quelques épisodes de la série Glee dans le rôle de Holly Holiday. 1976, naissance de Francesco Totti, ancien footballeur italien ayant fait carrière de 1993 à 2017 à l'AS Rome. A noter qu'il a été champion du monde en 2006. 1978, naissance de Brad Arnold, chanteur américain, du groupe Three Doors Down. 1982, naissance de Lil Wayne, chanteur américain. 1984, naissance d'Avril Lavigne, chanteuse canadienne. 1986, naissance de Stéphane Ruffier, footballeur français évoluant en poste de gardien de but. De 2005 à 2011, il a joué à Monaco. Pendant la saison 2005-2006, il a été prêté au club d'Avignon Bayonnais. Et depuis 2011, il joue à Saint-Étienne. 1989, naissance de Mandy François Elie, athlète handisport française qui, aux Jeux paralympiques, compte une médaille d'or ainsi qu'une médaille d'argent. Au championnat du monde d'athlétisme handisport, elle a remporté 2 médailles d'or. Au championnat d'Europe, 1 médaille d'or, 2 médailles d'argent. Et au championnat de France, 4 médailles d'or et 2 d'argent. En 1986, décédé Cliff Burton, musicien américain qui fut le bassiste du groupe Metallica de 1982 à 1980. Et on va écouter tout de suite un extrait de leur titre Master of Puppets. We'll be right back.

Un mot de judo avec les championnats du monde. Et hier, la française Anne Fatoumata Mbero n'a pas fait long feu malheureusement sur les tatamis. Elle a été battue d'entrée. Un mot de basket avec les championnats du monde. En match de barrage, la France s'est imposée 78-61 face à la Turquie. Les Françaises sont donc qualifiées pour les quarts de finale. Ce sera vendredi contre la Belgique. Un mot de football avec les résultats de la Ligue 1. Amiens s'est imposé 2-1 face à Rennes. Bordeaux s'est imposé 1-0 face à Lille. Saint-Etienne s'est imposé 3-2 sur la pelouse de Toulouse. Caen et Montpellier ont fait match nul 2 partout. Lyon s'est imposé 3-0 à Dijon. Marseille s'est imposé dans la difficulté 3-2 face à Strasbourg. Nice et Guingamp ont fait match nul 0 partout. Et le Paris Saint-Germain s'est imposé 4-1 face à Reims. Un mot de cyclisme avec les championnats du monde de contre-la-montre et la victoire de l'Australien Rohan Dennis. Le premier Français s'est classé 21e. Pardon, il s'agit de Benjamin Thomas. Et on termine avec le tennis, le tournoi de Chengdu, plus de Français en compétition avec l'élimination de Manarino hier en 2-7 face à Jaziri. 6-3, 7-6 à Shenzhen hier. Herbert s'est qualifié en 2-7 face à Tsitsipas. 6-3, 7-6 et à Tashkent, plus de Français en compétition après l'élimination hier de Ferro en 2-7 face à Kozlova. 7-5, 6-4. Voilà pour l'actu sportive. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec Avril Lavigne et son tout premier titre, Complicated. Could only let it be, you will see. I like you the way you are when we're driving in your car and you're talking to me one-on-one, but you become somebody else around everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool, you look like a fool to me. Tell me why. Like you're something else. Where you are and where it's at. You see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become.